Elle les a tirés vers les rochers. Avec son regard de gitane, un à un, nous les voyons s'écraser sur ses marches en partant et en revenant. Tu souriais. Vaincu, je me suis agenouillé à tes pieds. Les dons spirituels que les dieux nous offrent, et en parlant nous rions, et en riant nous parlions, et ainsi tu es tombée amoureuse, même si ta fille prétend. De soupirs que nous pensions vains, tu reposais dans mes bras, nourrissant le paradis. Avec son regard de gitane.